بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل اليوم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا الباب في القدر. Aujourd'hui on finit ce sujet, on finit donc ce chapitre qui concerne le destin, le qadar. L'auteur qui nous dit, rahimahullahu ta'ala, an abi khuzama, an abi hikol, kultu ya rasulallah, era'ayta ruqan nastarqiha, wadawa'an natadawa bihi, watuqatan nattaqiha, hal taruddu min qadarillahi shay'an, qala hiya min qadarillah. Rawahu Ahmed wa Tirmidhi wa Hassanahu. Et donc selon Abi Khuzamah, selon son père, radiyallahu anhu, qui dit, j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu les ruqa, les ruqa, donc c'est le pluriel de ruqya, donc ce qui va être récité sur le malade, vois-tu les ruqa que nous récitons, nastalqiha, ou qu'on demande qu'on nous récite, ainsi que les médicaments que nous prenons, les antidotes que nous prenons pour nous soigner, ainsi que des protections que nous utilisons pour nous protéger, est-ce que tout cela repousse le destin d'Allah en quoi que ce soit? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond, tout cela fait partie du destin d'Allah. Hiya min qadarillah, cela fait partie du destin d'Allah. Rapporté par Ahmed ainsi que Tirmidhi wa Hassanahu, qui l'a jugé Hassan. هذا الحديث تكلم فيه العلماء لأن أبا خزامة لم يوثقه أحد. Ce hadith, les savants ont parlé de lui, c'est-à-dire qu'ils l'ont critiqué. Ils ont critiqué la chaîne de transmission de ce hadith parce que Abu Khuzama, ici, qui est cité ici, il n'a pas été. Donc, les savants, les gens de science n'ont pas fait ces éloges. Et donc, comme on le sait très bien dans la science du hadith, celui dont on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce que les savants disent de lui, on ne peut pas accepter son hadith, on ne peut pas accepter sa narration. Et donc ce hadith n'est pas authentique. Cependant, sa signification est correcte. Fafihi anna al-asbab min qadarillahi tabaraka wa ta'ala. Il y a dans ce hadith le fait que les causes que la personne va faire, ces causes-là font partie du destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a aussi le fait que les causes profitables sont légiférées. Il est légiféré que tu fasses les causes pour te guérir, pour te soigner. En ce qui concerne les ruqya, elles sont connues. C'est ce qui va être récité sur le malade pour le soigner. والرقى الشرعية ما كان من القرآن والسنة أو ما كان معناه صحيحا ليس فيه شرك. Et les ruqya qui sont légiférées, ce sont celles qui sont tirées du Coran ou de la Sunna, ou celles dont leur signification est correcte, qui ne contiennent pas de shirk, de polythéisme. ويجب على الناس أن يدركوا أن الراقي هو فقط سبب من الأسباب وأن الأمر كله بيد الله تعالى. Il est important de comprendre que le raqi, celui qui fait la ruqya, il n'est qu'une cause parmi les autres. Il n'est qu'une cause et que tout revient à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui gère toutes choses. وهذا مهم أيها الإخوة. قلوب الناس متعلقة بالبشر إلا من رحمه الله. Et ça, c'est important, mes frères. Le cœur des gens, les cœurs des gens sont accrochés, sont attachés aux êtres humains, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Alayna an natawakkala ala Allah. Nous devons mettre notre confiance en Allah. Lidha dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alladhina la yastarqun من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya. Ils ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya. Il les a cités parmi ceux qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. فَهَذَا مِنْ تَمَامِ التَّوْحِيدِ. Et donc cela fait partie de l'aspect complet du tawhid, de mettre ta confiance en Allah, تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Tu fais les causes et tu mets ta confiance en Allah Azza wa Jal. أَمَّا الْأَدْوِيَةِ فَمَشْرُوعَ كَذَلِكِ وَقَدْ تَدَاوَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُصِيبَ بِالسُّمِ. Et en ce qui concerne les antidotes, les remèdes, alors cela aussi a légiféré. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est soigné lorsqu'il a été touché par le poison. Fal insan yatadawa wa ya'lam anna ad-dawa sababun wal amru kulluhu bi yadillah huwa alladhi yashfi. Et donc l'être humain va se soigner et il sait pertinemment que le remède est une cause et que tout est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui guérit, comme l'a cité Allah de la parole d'Ibrahim, wa idha maridtu fa huwa yashfin. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Fal asbabu shar'iyya min qadarillah. Fala munafa bayna al-iman bil qadar wa ittikhad al-asbab. Et donc les causes légiférées font partie du destin d'Allah. Il n'y a alors pas de contradiction entre la foi au destin et le fait de faire les causes. Celui qui fait des causes, on ne dira pas que sa foi est faible. كما أننا اليوم مع انتشار هذا الوباء يتقي كل واحد منا بالأسباب الشرعية ولا يقال إن هذا ضعف في الإيمان. Comme aujourd'hui, avec la propagation de cette épidémie, chacun d'entre nous se protège avec les causes légiférées et on ne dit pas que ceci est une faiblesse dans la foi. Fa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam naha 'an al-ikhtilat bayna al-mumrid wa as-sahih wa hadha sabab min al-asbab ash-shar'iyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes interdit de mélanger entre les bêtes malades et les bêtes en bonne santé. Et cela fait partie des causes légiférées. وَكَذَلِكَ النَّاسِ يَنْسَوْنَ أَنَّ الْقُرْآنِ شِفَاءٌ لِلْأَمْرَضِ الْحِسِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ. Et aussi les gens, ils oublient que le Coran est une guérison contre les maladies, donc contre les maladies au sens propre et au sens figuré. ثُمَّ انْتَقَلَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ إلى الحديث الأخير في هذا الباب. Ensuite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous cite donc le dernier chapitre, le dernier hadith dans ce chapitre, et il nous dit: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Selon Abi Huraira radiyallahu anhu qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant qui est fort est mieux et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. Et certes, il y a du bien chez chacun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. Efforce-toi de faire ce qui t'est profitable. Implore l'aide d'Allah et ne sois pas touché par la fainéantise, ne sois pas fainéant. La ta'jazan. فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَكُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ. Et si quelque chose t'atteint, alors ne dis pas « Si seulement j'avais fait comme ça, alors il se serait passé ci et ça. » Mais cependant dis « قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ. » Ceci, et donc c'est ce que Allah a décrété et il fait ce qu'il veut. « فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ » Car le fait de dire « si » ouvre l'œuvre du diable, ouvre la porte au diable. Rawahu Muslimun. Rapporté, le hadith a été rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات مهم جدا. Ce hadith, oh chers frères et sœurs, il est très très important. فيه كذلك الحرص على العمل وأن الإنسان لا يتكئ على القدر. Et donc il y a dans ce hadith le fait de s'efforcer à œuvrer, à agir, et que la personne ne doit pas s'appuyer sur le destin. وأيضا المؤمن القوي في إيمانه وبدنه وشخصياته خير من الضعيف وإن كان الخير في الكل. Et aussi le croyant qui est fort dans sa foi, dans son corps, dans sa personnalité, il est mieux que celui qui est faible, même s'il y a du bien chez chacun d'entre eux. لكن الخير في القوي أكثر لأنه ينفع نفسه وغيره. Cependant, il y a plus de bien dans celui qui est fort, car celui-ci, il va être profitable à sa propre personne, mais aussi aux autres. لا يسكت عن أهل الباطل. Il ne se taira pas face aux gens du faux. لأنه نعم لا يسكت عن أهل الباطل ولا يخاف من الناس. Il n'a pas peur des gens. وهذا مهم لبيان الحق للناس. Et ça c'est très important pour expliquer la vérité aux gens, ne pas avoir peur des hommes, mais avoir peur d'Allah تبارك وتعالى. وفيه الاهتمام بالوقت. Il y a aussi dans ce hadith le fait de faire attention au temps. فالمؤمن يحرص على ما ينفعه ويترك كل هذه الأمور التي تذهب عنه الوقت بلا فائدة. Le croyant va donc s'efforcer à faire ce qui lui est profitable et délaisser tous ces éléments qui font perdre son temps dans des choses qui ne sont pas profitables. Hein? Le fait de perdre son temps sur les réseaux sociaux, à lire tout ce qu'il passe à droite à gauche, et au final, tu n'as rien tiré comme profit de ta journée. وَفِيهِ كَذَلِكَ الْحَذَرْ مِنَ الْكَسَلِ. Il y a aussi dans ce hadith le fait de se méfier contre la fainéantise. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْتَعِينُ بِاللَّهِ مِنَ الْكَسَلِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait l'aide d'Allah contre la fainéantise. فَلَا تَجْلِسْ تُضَيِّعْ وَقْتَكْ. Et donc ne t'assieds pas à perdre ton temps, tu restes là à rien faire. Ne perds pas ton temps, ne sois pas touché par la fainéantise. Agis, œuvre, ihris ala ma yanfa'uk. Efforce-toi de faire ce qui t'est profitable. وَلِيُعْلَمْ أَنَّا لَوْ تُسْتَعْمَلُوا وَكَدْ تَكُونُوا مَحْمُودَ وَكَدْ تَكُونُوا مَذْمُومَ. Et il faut savoir que le mot « si » peut être utilisé et être louable et être aussi blâmable. فَالْإِسْتِعْمَلُوا الْمَحْمُودُ مَا كَانَ لِتَمَنِّ الْخَيْرِ. Et donc l'utilisation du mot « si » qui est louable, C'est l'utilisation qui est faite quand la personne espère le bien. Quand la personne espère le bien. كَقَوْلِ الْقَائِلِ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الدَّرْسَ قَائِمٌ لَحَضَرْتُ. Comme le fait que la personne va dire, si je savais qu'il y avait cours, j'aurais assisté. Il n'y a pas de mal en cela. La personne donc espère ici le bien. Si je savais qu'il y avait cours, j'aurais assisté. Il n'y a pas de mal en cela, comme l'ont cité les savants. وَالْإِسْتِعْمَلُ الْمَذْمُومِ mais j'ai à la sabil il jaza wa tasakhut wa tashammut. Et donc, par contre, l'utilisation blâmable du mot si, c'est l'utilisation qui est faite pour se plaindre et de façon et aussi l'utilisation qui est faite avec colère et aussi pour rabaisser les croyants, comme les hypocrites l'ont fait. Allah tabaraka wa ta'ala a parlé d'eux, il les a cités, il l'a dit. Alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Ceux qui ont dit à leurs frères, si seulement ils nous avaient obéi, ils ne seraient pas tués. Ils n'auraient pas été tués s'ils nous avaient obéi. On parle ici de la bataille. Et donc, les hypocrites ici qui vont essayer de rabaisser les croyants en citant ceux qui se sont fait tuer, en disant si ils nous avaient écoutés, ils n'auraient pas été tués. Excusez-moi, ils n'auraient pas été tués. Et donc, cela est interdit. Utiliser ce mot-ci pour chercher à rabaisser les croyants, si tu avais fait ça, etc., pour chercher à rabaisser les croyants, ou alors pour chercher, donc, à se plaindre du destin, cela est interdit. وَهَذَا ضَعْفٌ فِي الْإِيمَانِ. Ceci est une faiblesse dans la foi au destin. وَالشَّرْعُ يَنْهَا عَنْ شَيْءٍ وَيُعَوِّذُ مَا هُوَ خَيْرٌ. La législation nous interdit de faire quelque chose et nous remplace par ce qui est mieux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cette utilisation du mot « si ». Et par contre, il nous l'a remplacé par le fait, par quelque chose qui est mieux, qui est le fait de dire « قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ ». Ceci, c'est ce que Allah a déterminé. C'est ce que Allah a déterminé, c'est ce que Allah a prédestiné, et il fait ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut. Et donc cela est beaucoup mieux, le fait de reconnaître et d'affirmer le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala, la volonté parfaite d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est beaucoup mieux que de se plaindre en disant si seulement, si seulement, si seulement. Et aussi, c'est une éducation pour nous-mêmes. Lorsqu'on veut interdire quelque chose à nos enfants, il faut qu'on prenne l'habitude qu'on leur interdit quelque chose et en même temps, on leur remplace par quelque chose de mieux. Et donc, tu veux interdire quelque chose de mal à tes enfants, tu leur interdis, mais ne les laisse pas comme ça. Accorde-leur, donc, en échange, quelque chose qui est mieux. C'est important. Ça va les faciliter aussi, ça va les aider à délaisser ce que tu veux leur interdire. Et aussi, pour finir, al-mu'min yanbari an yasta'ina billahi fi kulli shay. Et donc, il est important que le musulman, que le croyant, il implore l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala à tout moment, pour toute chose. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite, il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jazakumullahu khayran.